L'Estelle à l'inspection des grands hommes Bechtesson traduisant leurs immortels exploits révolutionnaires viennent d'être mises sur pied. La stèle à l'inspection du président et du général à la station de pompage de Haeso de l'entreprise d'irrigation de Pyongnam, celle du général au centre d'élevage de chèvres de Chongjin et celle du camarade Kim Jong-un à l'usine des matériels sportifs de Pyongyang. Les cérémonies de dévoilement ont eu lieu à chaque unité d'activité.